Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on va faire du bruit. Je ne sais pas de quoi on va parler, mais c'est en tout cas ce que Sophie m'a dit. Exactement. Comment ça va, Sophie? Mais oui, très bien. Faites du bruit pour les piou-piou, allez-y. Ah bah, tout dépend de quel bruit. Si c'est des chants mélodieux ou si en réalité... Eh ben, on va en parler, justement. On va en parler de tout intéressant. Ça. Intéressant. Et toi, tu nous parles de quoi, du coup? Bah, du coup, moi, dans la première partie, je vais reparler de la pandémie de Covid. Encore. on a une nouvelle étude intéressante en direct de Pologne qui est sortie. Il y a des choses intéressantes à voir, et ce sera justement après la rétro, voilà, la fameuse rétro, avec les sujets qu'on aurait pu évoquer dans le courrier de la Sterne, mais finalement, on s'est décidé d'en parler juste en pastille de quelques secondes. Sophie, oui. qu'est-ce que tu as remarqué dans l'actualité? Dans la rétro piou-piou. Et dans la rétro piou-piou. On l'appelle comme ça maintenant, la rétro piou-piou? Je sais pas, je trouvais que ça sonnait bien. Eh ben parfait, la rétro piou-piou désormais. C'est vrai que ça fait quelques épisodes qu'on lui cherche un nom. On lui cherche un nom, on n'en a pas. Faut pas hésiter si vous en avez un. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'avions, pour changer un petit peu. Alors, on va rester sur des oiseaux quand même, mais on va parler d'avions avec une histoire de vol d'ailes d'oiseaux qui... finalement, se déplace un peu différemment dans l'air que ce qu'on croyait, avec une nouvelle étude qui est sortie dans un PNAS cette semaine, et qui nous explique que sur l'aile des oiseaux, on n'a pas seulement les plumes de vol, vous savez, les fameuses grandes plumes super rigides là, qui servent vraiment à la portance de l'aile, on a aussi des plumes sur le dessus qui sont les plumes de couverture, et qui finalement sont pas juste là pour faire joli avec des jolies couleurs ou juste pour couvrir l'aile, pour la protéger, je sais pas, du froid ou de ce que vous pouvez imaginer. En fait, ça sert au vol aussi. Alors, on n'en avait pas conscience, mais c'est très utile pendant le vol. Ça aide à la portance, mais ça aide aussi et surtout en se relevant un petit peu pendant le vol, notamment au moment des turbulences, et à limiter la quantité de vortex qui va se former autour de l'aile et finalement à conserver de l'énergie lors du vol pour l'oiseau. Et donc cette publication a essayé de reproduire le phénomène sur des ailes d'avion, cette fois-ci avec des modèles réduits évidemment, mais en essayant différentes configurations en quelque sorte, avec plusieurs types surtout plusieurs quantités de lignes de plumes de couverture sur cette aile figurée par des longues bandes de plastique qui avaient été mises du coup pour voir un petit peu comment ça fonctionnait sous le vent. Et en fait, plus on rajoute de lignes de plumes de couverture, moins il y a de vortex autour de l'aile d'avion, plus il y a de conservation d'énergie, ce qui va quand même aider, si on l'utilise en aéronautique, finalement à réduire la quantité de pétrole qu'on utilise pour faire voler nos avions. Oh. Et ça, c'est pas si mal. Ça veut dire qu'on aura des plumes sur les avions bientôt? Non, et peut-être, qu'est-ce que t'en penses? Moi, ça me plairait bien. Ah bah, ce serait cool, ce serait cool. Mais du coup, ce que j'ai dit à mes élèves le mois dernier, que les plumes de couverture servaient justement qu'à la couverture, je peux le mettre à la poubelle. Exactement. Super. Bon, c'est tout neuf, tu leur diras que ça vient de sortir. Hein. Les cours, on revient uniquement sur des choses qui sont sorties. C'est pour ça que les cours sont hyper intéressants, c'est qu'on a toujours des choses intéressantes à apprendre au niveau des oiseaux. Moi, je vais rester du côté des rapaces avec une petite étude sur le caracara huppé et la science participative. Et l'objectif, c'était de déterminer non pas la migration de l'oiseau, non pas son comportement, quoique si on parle de comportement, mais surtout de quoi se nourrit le caracara huppé. Et comme on fait place à la science participative, on a plein de photos qui nous sont remontées avec des caracaras qui tiennent plein de trucs dans leur bec ou entre leurs pattes. Et donc ce qu'on a remarqué, c'est que les caracaras du Nord avaient plus d'inclination pour attraper des reptiles que les caracaras de la population du Sud, qui eux attrapaient davantage d'oiseaux. Voilà. Si on se rapproche plus vers l'équateur, les caracaras huppés attrapent davantage de poissons. Oh, incroyable, hein. Donc voilà, petite étude qui permet de mettre en évidence les différences régionales de la disponibilité en nourriture des proies du caracara UP, permise grâce à la science participative. C'est top, ça. Mais ouais. Génial. Et d'ailleurs, en parlant de participation, j'ai une petite news sur les espèces sociales. Ok. Et du coup, c'est juste une petite publication de l'Université d'Oxford qui nous explique que en regardant les oiseaux, les insectes, les mammifères, et puis à peu près tout ce qui peut voler, marcher, courir sous le soleil, sur Terre, on se rend compte que les espèces sociales, elles ont quand même un gros avantage, c'est qu'elles vivent plus longtemps et elles produisent plus de petits au niveau de l'individu. Il y a quelques petits... Évidemment, il n'y a pas que des avantages à être social, évidemment, hein, il y a aussi d'autres problèmes derrière, mais en l'occurrence, au niveau du temps, de la longévité de l'individu et de la quantité de petits qu'il pourra produire dans sa vie, on est largement gagnant lorsqu'on est une espèce sociale. Voilà, donc les oiseaux qui vivent en groupe sont capables de produire plus de petits lors de leur vie et de survivre plus longtemps que ceux qui ne vivent pas en groupe. Incroyable. Voilà. Et on va terminer par une petite anecdote historique que j'ai récupérée dans le podcast qui a inspiré le courrier de la Sterne, No Such Things as a Fish, que tu connais peut-être, qui est un podcast anglais. Et leur anecdote d'un des derniers épisodes, c'était de parler des plumes des oies. Et il faut savoir qu'entre 1421 et 1423, les Anglais ont privatisé pas moins d'1 190 000 plumes d'oies. Privatisé. Ce qui correspond à 6 plumes par individu dans le royaume, c'est très précis. Mm-hmm. À ton avis, pour faire quoi donc ? Les plumes d'oies ? Oui. Je sais qu'on écrivait avec à une période, mais c'est est-ce que pas pour écrire avec, non. Des plumes d'oie. On est en pleine guerre de 100 ans, hein. Ça peut t'aiguiller. Avec des plumes d'oie. Est-ce que ça aurait pas été pour mettre sur les haumes des chevaliers ? Pas du tout, c'est pas du tout pas pour du tout. L'armure, c'est pour les armes et c'est pour les flèches. Ah, c'est pour les flèches. C'est pour les flèches et donc rajouter des plumes qui étaient justement sur les flèches. Une autre anecdote raconte qu'il fallait des plumes de mâle et des plumes de femelle à des endroits particuliers de la flèche pour que celle-ci vole mieux. Voilà. Ouais, bon, ça c'est un petit peu de la magie noire. Voilà, voilà. Donc ce sont quasiment 1 200 000 plumes qui ont été récupérées pour 400 000 flèches qui ont été réalisées au cours de la guerre de 200 ans, entre 1418 et 1422. Je reprécise un petit peu les dates. Voilà. Attention. L'histoire ne dit pas si elles ont été données volontairement ou pas. Je pense que quand on parle de royaume d'Angleterre, je pense que ce n'est pas un don. Je pense que c'est une obligation. Cela dit, 6 plumes, c'est assez peu par rapport à ce qu'on pourrait penser. Donc voilà, petite anecdote que j'ai apprise comme ça sur les plumes d'oie lors de la guerre de 200 ans. Eh ben voilà, on ferme la rétro-piu-piu, du coup. Allez. Et on va parler cette fois-ci de la Covid-19, puisque je vais commencer de mon côté par vous parler d'une étude qui est sortie cette année, en 2024. Elle est sortie il y a quelques jours. C'est une étude qui est réalisée en Pologne, plus précisément à Poznan, dans 36 parcs urbains de la ville de Poznan. Et tout démarre un petit peu avec de la sérendipité, parce que au départ, les chercheurs ont juste pour volonté d'examiner l'hétérogénéité des zones sur les assemblages d'oiseaux urbains dans un contexte spatial qui peut être celui donc de parcs plus ou moins grands. Voilà. Donc c'est une étude qui a été réalisée en 2019. Et paf, voilà qu'en 2020, le monde se confine, la Pologne également. Les restrictions sont mises en place en Pologne le 31 mars 2020 pour à peu près une vingtaine de jours. Hein. Donc on parle de restrictions très très très strictes. Hein. On parle vraiment du confinement au plus draconien possible. Mmh. Avant la réouverture des parcs en avril 2020, 20 avril pour être précis, avec évidemment tous les changements que cela pouvait impliquer. Et les chercheurs, ils sont pas restés, on va dire, insensibles à cette situation. Ils se sont dit, et si on faisait une étude pour savoir si il y a réellement des changements qui se sont opérés entre 2019, une période classique, puisque je rappelle que leur étude démarrait tout d'abord en 2019, et cette période un petit peu particulière qui est celle de 2020, de la Covid. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris beaucoup de paramètres en question. Ils ont notamment regardé si les bruits de fond pouvaient être problématiques pour les oiseaux. Ils ont calculé un volume sonore maximum sur des comptages qui étaient réalisés d'une dizaine de minutes. Ils ont compté le nombre de piétons et le nombre de chiens qui étaient présents à 50 mètres autour de l'observateur et donc dans le périmètre de l'oiseau. Et ce qu'ils ont observé, c'est sur les 3380 individus qui ont été observés en 2019 et en 2020, des différences très intéressantes, et notamment dans la répartition de la population de ces oiseaux. Je m'explique. On a identifié 72 espèces en 2019, 73 espèces en 2020. Sur les 3380 individus, c'est 1912 individus repérés en 2019 et 1467 repérés en 2020. Et on est sur un nombre moyen d'oiseaux qui était de 53,14 en 2019 et qui passe à 40,72 en 2020. C'est une diminution qui est quand même assez intéressante à identifier. Et donc, les chercheurs se sont dit, on va regarder du côté du régime alimentaire des oiseaux. Et patatras, ils ont trouvé un truc très intéressant. Donc, ils ont répertorié les oiseaux en quatre catégories, granivores, insectivores, omnivores et carnivores. Et ils ont rajouté une petite catégorie supplémentaire qui, sur le graphique de l'étude, qui est d'ailleurs en open access, on vous fournira bien sûr les liens dans la description, vous en avez l'habitude. Il y a un petit W qui est accolé à certains petits noms. Ce W signifie « waste », c'est-à-dire que ce sont des oiseaux qui peuvent se nourrir du déchet apporté par les humains. Donc on a, par exemple, le moineau domestique, on a le pigeon biset, on a des oiseaux assez classiques. On a des oiseaux un peu particuliers. Le vertier d'Europe, par exemple, est noté comme se nourrissant de déchets. Ouais. Ah bon, lui et aussi. J'étais super, super surpris de voir ça, alors que les tourneaux sans sonnette n'est pas noté dans cette catégorie. Ah, pas du tout. Pas du tout. Ah d'accord. Il est un peu biaisé, non, dans l'étude là. Justement, on va en reparler, mais en tout cas, voilà. L'objectif, c'était de déterminer la présence de ces oiseaux en fonction de leur régime alimentaire en 2019 et en 2020. Et ils se sont rendus compte que du côté des insectivores et du côté des omnivores, enfin du côté des insectivores et des carnivores tout d'abord, il n'y avait pas spécialement de véritables changements. Les omnivores, il y avait quelques changements qui étaient réalisés, mais c'était pas très significatif. Par contre, ils ont remarqué que les granivores, eux, et aussi les oiseaux qui se nourrissaient de déchets, et finalement, ça rejoint un petit peu l'étude qui avait été réalisée à Paris en 2020 sur les corneilles, les oiseaux, ils avaient déserté, tout simplement, parce qu'ils ne trouvaient tout simplement plus leur nourriture à l'endroit où ils avaient l'habitude de la trouver, c'est-à-dire dans les parcs et les jardins. Étant donné qu'il n'y avait plus personne, pourquoi on a la possibilité de se déplacer ailleurs pour trouver cette nourriture. Et donc, ce qui est assez intéressant, alors ils ont fait un test que je ne connais pas, Sophie, c'est la première fois que je vois, c'est le test de Wilcoxon. Peut-être que ça te dit quelque chose. Est-ce que tu veux peut-être en rajouter quelques mots avant que je poursuive, histoire de préciser un petit peu. D'accord, ok, très bien. Je ne suis pas très douée en statistique, très honnêtement. Grosso modo, d'après ce que je comprends sur les graphiques, ils ont trouvé qu'il y avait quand même une différence assez importante. Lorsqu'ils ont élaboré ce test pour les oiseaux qui sont granivores et pour les oiseaux qui sont se nourrissant de déchets. Et ça... c'est un peu, comment dire, on va dire un peu contradictoire avec pas mal d'autres études qui avaient été réalisées, qui montraient qu'en contraire, en présence ou plutôt en non-présence d'humains, on avait une biodiversité d'animaux qui était quand même plus importante qu'à l'accoutumée. Or, cette étude nous démontre exactement le contraire, étant donné que justement, les granivores, eux, se sont fait la malle. Donc, il conclut que les résultats indiquent que la diminution de l'activité humaine en plein air a conduit à une réduction de l'apport alimentaire des oiseaux. Ça, évidemment, c'est ce que l'on pouvait dire. Néanmoins, tu l'as dit, il y a quand même pas mal de biais dans cette histoire. On parle forcément de l'étourneau sans sonnet, mais il y a beaucoup de choses que les chercheurs n'ont pas pu tester. Et notamment le fait que, on soit sur une seule période de 2 années. On est sur 2019 et 2020. Donc, finalement, on a assez peu d'amplitude pour étudier le phénomène. Et donc, ils disent, par exemple, que les granivores ont peut-être tout simplement décidé de visiter les parcs pendant le confinement parce que le moins de nourriture supplémentaire était disponible. Et oui, les mesures étaient draconiennes, justement, lors de ce confinement. Les observations n'ont pas pu être faites par les chercheurs. Donc, il se peut tout simplement que ces oiseaux se soient nourris lors, justement, de cette période où les chercheurs ne pouvaient pas les observer puisque ils étaient confinés. Voilà. Et ils disent que leurs données ne permettent pas de vérifier cette hypothèse. Ils disent également que il y a pu avoir, par exemple, une adaptation des oiseaux qui ont changé leur façon, justement, de consommer. Et ils prennent l'exemple d'une étude de 2021 qui avait été réalisée à Singapour avec, à nouveau, des pigeons bisets qui avaient déplacé leur régime alimentaire, voyant que leur source d'alimentation primaire, c'était tari. Donc, ils avaient, changé leur régime alimentaire. Ils étaient revenus à un régime alimentaire, on va dire, un petit peu plus traditionnel. Et puis, il l'évoque aussi assez rapidement qu'il y a pu avoir des sources d'alimentation complémentaires qui ont pu être posées dans les jardins, avec notamment des mangeoires qui ont été alimentées par rapport à la situation qui a été celle de la Covid. Et ils terminent leur étude finalement, je vais les citer, donc ne soyez pas surpris. Ils disent que notre échantillonnage n'a couvert qu'une année, donc ça c'est un fait, année avant et pendant la pandémie. Ils ne peuvent pas forcément être certains du changement du nombre d'espèces entre les 2 années d'étude. Et puis, on l'a dit, il y a d'autres explications qui peuvent s'expliquer. On peut avoir par exemple un changement météo. On sait que la météo est très importante dans le choix de la nourriture des oiseaux et notamment leur impact qu'ils peuvent avoir lors de la reproduction, parce que cette période mars-avril correspond pour certains au début de la reproduction, pour d'autres à une reproduction qui est déjà bien avancée. En tout cas, on est déjà en train de couver, voire on commence déjà à voir les petits. On peut aussi avoir des changements au niveau de la maladie qu'ont pu avoir certains oiseaux. Ça, c'est aussi des choses qui n'ont pas été testées. On pense par exemple à certains virus qui frappent certains oiseaux, et notamment le verdier d'Europe, qui est classé comme étant un oiseau se nourrissant de déchets dans l'étude. Et puis aussi au déclin général de la population des terres agricoles qui, elles, sont également granivores. Donc il y a plein de choses qui n'ont pas été testées, mais c'est une nouvelle étude qui apporte, on va dire, un peu plus de nuances par rapport aux autres études qui étaient, on va dire, un petit peu plus formelles, en mode les gens ont été confinés, les oiseaux ont fait la teuf, les oiseaux sont sortis du bois. Là, on se rend compte que, mine de rien, certaines catégories d'oiseaux, se nourrissant spécifiquement de graines ou autres, ont pu être impactés de manière plus ou moins importante lors de cette pandémie. Tu as raison de le dire, mais après, ça concerne aussi des espèces qui, finalement, de base, sont pas forcément en voie de disparition non plus, vu qu'elles survivent grâce à nous, et ces espèces qui sont très acclimatées à vivre à côté de l'humain, au final. Donc c'est pas non plus les espèces qu'on a forcément envie de... auxquelles on a vraiment envie de faire gaffe. On a souvent les actions de conservation se concentrent plus sur d'autres espèces, donc c'est vrai que celles-là sont pas les plus étudiées de ce point de vue-là, à cause de ça, je pense. Donc c'est aussi l'un des biais qu'on a, c'est peut-être pour ça que cette étude, c'est un peu toute seule dans le paysage comparée aux autres, finalement. C'est une possibilité, effectivement. Et après, on est sur l'abondance de certains oiseaux, donc la présence espèce par espèce, en nombre d'espèces des oiseaux. Et on voit quand même que on a une bonne diversité, mais on a quand même beaucoup d'effectifs qui sont très bas. On a par exemple des oiseaux qui sont à 6 individus, pardon, qui ont été observés sur les 2 ans. Donc finalement, on a un gros pool représentatif de quelques espèces. On pense au pigeon biset, on pense à la pie bavarde, on pense à les tourneaux sans sonnet parmi les plus importantes. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde le graphique d'abondance, qui sera d'ailleurs la figure 1 de l'étude, on marque qu'il y a quand même énormément d'espèces qui sont à 1, 2, voire 5, 6 individus. Est-ce que c'est vraiment représentatif du paysage ornithologique de la ville de Poznan? C'est aussi une question à se poser. Eh oui, effectivement. Mais ça, c'est un problème d'échantillonnage, après. Absolument. Et c'est peu ou prou ce qui est dit dans l'étude. Mais c'est une réflexion intéressante menée par Patricia Patricia et son équipe. Alors, on parle de son désormais. Oui, on va avoir du son ce Alors, soir. Alors, on parle de quoi de son? Parce qu'on peut parler de chant, on peut parler de booming, on peut parler de cri. On peut parler de plein de trucs. On peut parler de plein de trucs. Je suis curieux. Plein de trucs. Je suis curieux. Ah. Et bien aujourd'hui, on va parler de son, mais alors pas forcément le son qu'on a envie d'entendre, on va parler de bruit. Et le bruit, notamment de la rue, des voitures, bref, le bruit du trafic. Et on va parler de bruit parce que c'est le sujet d'une étude qui est sortie dans Science, qui malheureusement n'est pas en libre accès, mais si vous voulez le PDF, je peux m'arranger pour vous le passer, voilà. S'il y a besoin. Et du coup, cette étude est très intéressante parce qu'elle va juger de l'impact du bruit des activités humaines et notamment du bruit du trafic autoroutier et routier sur les oiseaux. Et pas seulement sur les oiseaux lors de... comme on a l'habitude de le faire en disant oui, alors il y a un nid qui a été posé à côté d'une autoroute et les petits, bah, ils sont pas tous envolés, ou alors il y a un succès reproducteur qui est moindre quand il y a un nid qui se développe à côté d'une autoroute par rapport à un nid qui est posé en pleine campagne, par exemple. Ça, on le sait, on a déjà des études qui ont été faites sur le sujet. Mais cette étude-là se veut beaucoup plus précise, parce que là, on va pas juste rester sur ce genre de conclusion, on va vraiment aller à la source du problème. Et la source du problème, c'est en l'occurrence, c'est le bruit de la route. Et on veut comprendre comment ça impacte exactement les poussins et comment ça se fait que, eh ben, il y en ait moins qui survivent lorsqu'on a un nid qui est proche d'un endroit où il y a beaucoup de bruit de trafic routier. Et donc pour ça, ils sont allés prendre donc des oiseaux en captivité. Vous connaissez les diamants mandarins, certainement, qui sont quand même une des espèces modèles. Et donc on a pris des œufs de diamants mandarins directement, et ils ont été exposés donc à des bruits de trafic routier qui avaient été préenregistrés, et on a essayé de voir les conséquences que ça avait sur ces oiseaux à court terme, et puis bah, à long terme derrière, au bout de plusieurs années, après s'être reproduit plusieurs fois. Donc c'est une étude qui a duré quelques années quand même, 4 ans au total, pour voir donc l'évolution de ces œufs jusqu'au poussin, jusqu'à l'adulte, jusqu'aux parents au final. Alors évidemment, ils n'ont pas fait que ça, ils ont testé plein de trucs, ils ont regardé plein de choses, on en parlera après des conséquences exactes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, vous avez un groupe témoin qui n'a pas été exposé à ces bruits-là, vous avez un groupe qui a été exposé au contraire à des chants d'oiseaux, tout ce qu'il y avait de plus normaux pour cette espèce-là, un groupe qui, lui, n'a pas été exposé à aucun bruit que ce soit, pour vraiment voir un petit peu l'effet entre les deux, et un groupe, donc, qui a été exposé au bruit du trafic routier. Donc, ils ont commencé par exposer d'abord les œufs, ce qu'ils ont qualifié d'exposition avant la naissance, en quelque sorte, pendant le développement embryonnaire directement. Et ensuite, ils ont aussi exposé les poussins qui étaient sortis des œufs. Alors certains oui, certains non, etc. Pour avoir vraiment un échantillonnage complet. Ils ont exposé ces poussins au même bruit et ils ont essayé de voir s'il y avait des différences, s'il y avait des ressemblances, s'il y avait des choses qui se passaient ou pas, s'il y avait un impact plus poussé d'un côté ou de l'autre de ce bruit-là. Et ce qui est très intéressant dans l'étude, c'est que les parents, par contre, qui venaient nourrir les poussins, eux, n'étaient pas du tout exposés au bruit du trafic. Donc ce qui permettait d'annuler, en fait, l'effet du bruit sur les adultes et de se dire que c'était pas, du coup, s'il y avait une différence entre les poussins qui ont été exposés au bruit ou pas, c'est pas à cause des parents qui, peut-être, étaient un petit peu dérangés par le bruit, qui, du coup, nourrissaient peut-être plus autant qu'ils auraient dû le faire normalement, etc. Donc il n'y avait pas d'impact du parent lui-même sur le poussin, il n'y a vraiment que l'impact du bruit dans ce cas-là. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, ce qui s'est passé, et les conclusions de l'étude sont quand même assez frappantes, et c'est très très très visible dans leurs stats, vous verrez, il y a plein de petits graphiques très sympathiques. En l'occurrence, l'exposition à ce genre de bruit de trafic routier a un impact énorme sur le développement de l'oiseau. Ça a un impact notamment plus important lorsque l'oiseau l'entend quand il est encore à l'état d'embryon, donc dans son œuf. Ça a un impact un peu moins important lorsque l'oiseau l'entend après lorsqu'il est poussin et qu'il est sorti de l'œuf, mais ça a quand même un impact. Et ça a un impact non seulement à ce stade-là, mais ça a aussi un impact sur sa vie après, parce que c'est un oiseau qui va produire moins de petits lors de sa vie ensuite adulte, même lorsque le bruit n'est plus là. Et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment très très intéressant du coup parce que c'est vraiment très poussé comme étude. Incroyable. Alors ils se sont aussi posé la question. Ok, on sait que le bruit du coup a un impact sur le développement de l'oiseau, on le voit. Alors ça a un impact, je vous l'ai pas dit, mais déjà de base lors du développement de l'oiseau, si vous commencez à mettre des bruits de trafic autour de l'œuf, en fait, il y a aussi une réduction, enfin une diminution de la quantité d'œufs qui vont éclore comparée à la quantité d'œufs qui normalement devraient éclore dans un environnement où il n'y a pas de bruit de trafic autoroutier. Et normalement, si vous savez un peu comment ça fonctionne, lors du développement embryonnaire chez un oiseau, le poids de l'œuf va se modifier tout au cours du développement. Et normalement, les œufs qui ont un poids plus important sont les plus à même d'éclore, et c'est généralement ceux qui ont les meilleures chances de survie dans le nid comparé aux autres. Et ben là, en fait, c'est plus ou moins l'inverse qui va se produire, parce que lorsque vous avez des bruits de trafic, et ben c'est les œufs qui, peu importe le poids de l'œuf, au final, il y a tout autant de chances qu'ils n'éclosent pas à la fin, et que du coup, le développement ne se passe pas bien. Et c'est très, donc ça impacte déjà au niveau de l'éclosion. On va avoir un succès reproducteur qui va être un peu moins important. Et ensuite, lors du développement du jeune oiseau, eh bien, on va avoir des jeunes oiseaux qui vont se développer moins rapidement que les oiseaux qui ne sont pas soumis à ce stress, qui vont avoir donc une croissance qui va être ralentie par rapport aux autres oiseaux qui entendent juste des chants normaux. Et qui vont du coup se retrouver plus petits et plus chétifs, en quelque sorte, comparés à des oiseaux d'âge similaire qui ne seraient pas subis, qui n'auraient pas subi ce même stress. Donc rien que ce stress auditif a un impact extrêmement important sur le développement embryonnaire et ensuite sur le développement du poussin. Donc rien que ça, déjà de base, c'est important. Alors moi j'ai. Ensuite. Ah pardon. Oui, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Alors, quand tu parles de trafic routier, tu parles de trafic autoroutier, tu parles de trafic de ville. Est-ce qu'il y a des réflexions qui se sont faites sur est-ce que, par exemple, un trafic en ville stresserait moins les poussins qu'un trafic autoroutier ? Alors, ils n'ont pas été vraiment dans le détail à ce niveau-là, mais c'était juste des bruits de voitures et d'autres klaxons et trucs préenregistrés qui passaient à répétition aux poussins et aux œufs. C'est tout. Pas spécialement à un niveau sonore très élevé d'ailleurs, hein, mais c'était juste ce bruit-là répétitif tout le temps qui passait aux jeunes et aux embryons. Ok, d'accord. Voilà. Donc après, il n'y a pas eu de différence entre est-ce que c'est la route, est-ce que c'est l'autoroute, est-ce que c'est juste une petite voie où il y a peut-être une voiture qui passe deux fois par jour. Je serais curieux de savoir s'il y a une différence fondamentale entre les différentes voies de circulation. Je suis sûre qu'il y a une différence, parce que clairement, là, rien que... c'était pourtant pas un niveau très, très, très fort, si tu vois. C'était juste le nombre de décibels. Alors, je ne sais plus exactement, il faudra regarder exactement, okay. Mais le nombre de décibels n'était pas extrême. Mais je pense que c'est la répétitivité du son et toujours avoir ce stress constant, permanent, qui fait que ça a clairement induit un problème de croissance chez ces jeunes. Et ça se voit d'ailleurs non seulement dans la croissance physique de l'animal, mais ça va se voir aussi au niveau des cellules et au niveau de leur ADN. Et c'est ça qui est assez fou. Parce que vous savez que dans votre ADN, donc c'est structuré par chromosomes. Et au bout de ces chromosomes, vous avez des structures qu'on appelle des télomères. Ces télomères qui sont en fait des structures d'ADN non codantes qui vont servir à répliquer ensuite votre ADN pour faire une division cellulaire après pour que vous ayez deux cellules filles qui aient la même quantité d'ADN d'un côté et de l'autre. Si vous n'avez pas ces télomères, la réplication se passe très mal parce que vous allez perdre un bout de l'ADN codant qui va être nécessaire pour vos gènes et pour ensuite produire vos protéines. Donc ces télomères sont extrêmement importants et tout au long de votre vie, ces télomères vont se raccourcir petit à petit au fur et à mesure des divisions cellulaires. Il n'y a pas grand chose que vous puissiez faire contre ça, malheureusement. C'est comme ça que ça marche. Et ce qu'on va retrouver avec ces oiseaux, c'est que, en fait, les télomères des oiseaux qui ont été soumis au stress sont jusqu'à 50% plus courts que ceux des oiseaux qui n'ont pas été soumis à un stress, avec du trafic routier juste à côté. Ça veut dire qu'en fait, leur espérance de vie a été réduite de 50%. Ce qui est quand même pas mal, mine de rien. Donc, c'est ouf. C'est vraiment... Ça a un impact encore pire que ce qu'on imaginait, au final. Incroyable. Et ça, donc ça a eu... Ça a évidemment une conséquence sur la vie de l'oiseau, donc on a dit sur son espérance de vie, mais ça a aussi ensuite une conséquence sur le reste de sa vie, et en l'occurrence, même si vous retirez ensuite ces bruits de trafic routier, parce que la dernière phase de l'expérience, c'était de prendre les jeunes donc, qui avaient été élevés en captivité avec du son ou pas, en fonction des cas, de les mettre tous dans une volière et de les laisser se reproduire comme ils le souhaitaient, et voir un peu les résultats qu'ils pouvaient en tirer. Et lors des 2-3 années donc restantes où ils ont laissé tous ces oiseaux en communauté, ils se sont rendus compte que les oiseaux qui avaient été élevés avec un bruit de trafic constant, finalement, ils se reproduisaient beaucoup moins bien et avec beaucoup moins de succès que ceux qui n'avaient pas été élevés avec ce bruit de trafic. Et cela même qu'ils n'étaient plus soumis au stress à ce moment-là de leur vie, parce que la volière extérieure n'était pas proche d'une route ou quoi que ce soit, il n'y avait plus les sons en question. Donc en fait, ce stress qu'ils avaient eu lors de leur enfance, en quelque sorte, ne les a pas quittés de toute leur vie et a fait en sorte qu'après, leur succès reproducteur soit moindre, malgré le fait qu'ils n'étaient plus présents. Donc c'est quelque chose dont on n'a pas conscience. C'est vrai, quand on parle de nuisance ou de pollution, on parle souvent de problèmes chimiques, on parle de pollution lumineuse, des fois aussi, ça nous arrive. Mais on parle pas souvent de pollution sonore. Absolument. Et en l'occurrence, cette pollution sonore, il semblerait qu'elle ait un impact beaucoup plus grand que ce qu'on avait pu penser au début, et ça c'est un petit peu inquiétant quand même. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à mesurer, puisque je pense que le diamant mandarin doit avoir une espérance de vie qui est très faible. Oui. Donc forcément, on n'a pas la possibilité de le mesurer comme si on avait affaire à des oiseaux ayant une espérance de vie plus importante, comme des rapaces ou ce genre de choses. Donc, c'est une étude très très intéressante et un poil inquiétante aussi, parce que... Ouais, très inquiétante, ouais. Parce qu'en fait, on pense aux oiseaux, évidemment, mais finalement, et nous... Pour tous les animaux aussi. Voilà. Quel impact ça a, au final, nos activités humaines? Quel impact ça a sur tout ce qu'on a autour de nous au niveau du bruit? On n'en sait rien, au final. On n'a pas beaucoup d'idées d'à quel point ça peut déranger les autres espèces. Et ça, c'est... Et puis même pour nous, c'est un peu inquiétant, parce que l'une des conclusions de cette étude, c'était qu'en fait, ce qui se passait pendant le développement embryonnaire avait encore plus d'impact que ce qui se passait pendant le développement juvénile de l'oiseau. Il semblerait que les oiseaux qui avaient été soumis à un stress dans leur œuf, étaient encore plus sujets à des problèmes que les oiseaux qui n'avaient pas été soumis à ce stress pendant l'incubation et qui avaient été soumis seulement au stress après, lorsqu'ils avaient éclos. Et là, il y avait un peu moins de problèmes. Alors qu'on aurait pu penser que les oiseaux qui étaient déjà habitués à avoir du stress dans leur œuf, bah, au final, ils s'étaient habitués derrière. Il y avait une phase, ce qu'on appelle d'habituation, qui aurait pu permettre qu'ils vivent un petit peu mieux le stress constant pendant que dans leur phase poussin. Et bah, pas du tout, en fait, c'est l'inverse. Donc ce stress, on ne s'y habitue pas, et c'est un peu inquiétant. Voilà. Et c'est sur cette nouvelle inquiétante que nous allons nous quitter. Hélas. On n'était pas très loin d'Halloween. Ouh. Qui fait un peu Sophie, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Et bien, comme d'habitude, sur Twitter, @leplumeux, sur Instagram, leplumeux aussi, et sur YouTube, sur la chaîne Entracte Science. Et sur YouTube également, pour retrouver le courrier de la Sterne dans tous les flux de podcast quand les flux de podcast remarcheront. À l'heure actuelle où on tourne, nous, au début novembre, ce n'est pas le cas, mais je pense que ça va pas tarder à se régler. Donc ne soyez pas surpris si certains épisodes manquent à l'appel, c'est normal. Mais en attendant, vous avez toujours l'épisode que vous pouvez voir sur YouTube. Il est même en version sous-titrée. Et vous pouvez même envoyer quelques commentaires si vous avez des questions par rapport aux épisodes, ou si tout simplement eh bien, vous voulez discuter eh bien, d'oiseaux. On sera très content de répondre à toutes vos questions ou à toutes vos affirmations. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous, salut à toutes. À plus.